Un peu de silence, s'il vous plaît. Bon, aujourd'hui, on va aborder un cours qui est un chapitre important quand même en matière de traumatologie osseuse de l'adulte. En fait, il s'adresse à la fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez l'adulte. C'est un cours important. Pourquoi ? L'intérêt de la question, c'est que c'est une fracture qui demeure encore fréquente. Elle est assez fréquente et les conséquences sont terribles. Là, parce que si on prend en statistique en 2011, il y a eu 10 000 décès en France de cause directe ou indirecte suite à une fracture d'extrémité supérieure du fémur. Donc vous voyez, c'est assez important. C'est un chapitre important aussi parce que ça constitue toute une entité qui regroupe deux éléments distincts qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, sauf peut-être une clinique peut-être commune. En dehors de ça, rien n'est commun entre le code et le trochanter. C'est deux chapitres distincts, hein, mais on va les faire ensemble parce qu'ils constituent à eux seuls des fractures d'extrémité supérieure du fémur de l'adulte. Ces deux entités, c'est vrai, se ressemblent un peu dans le mode de survenue, l'expression clinique, le pronostic général. Ils se ressemblent et elles diffèrent totalement en matière d'évolution et de thérapeutique. On va voir par la suite. Il faut savoir que c'est toujours à l'ordre du jour, cette pathologie traumatique, elle est toujours à l'ordre du jour. Pourquoi ? Parce que c'est, au fait, c'est une fracture du progrès, du modernisme. C'est les conséquences du modernisme. Vous savez très bien que, on va voir au fur et à mesure, bien sûr, les statistiques, elle est assez fréquente, aussi bien pour l'adulte jeune que la personne âgée. Et le problème chez l'adulte jeune, enfin, c'est une introduction que je fais, l'adulte jeune, c'est que son col fémoral et son extrémité supérieure, elle est très solide. Pour se fracturer l'extrémité supérieure, avant d'arriver là, il y a des lésions des organes nobles, viscérales, qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. D'accord ? Ça veut dire que ça nécessite un traumatisme assez violent pour induire une fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Par contre, pour la personne âgée, au contraire, c'est des simples chutes très banales, généralement domestiques, qui causent ces fractures à cause de la fameuse osteoporose. Aussi bien osteoporose féminine, oui, que l'ostéoporose masculine. Parce que le progrès aidant, les gens ne marchent plus, ne sollicitent plus leur squelette. Donc automatiquement, vous savez très bien, un organe dont on n'a pas besoin, il s'atrophie, il part. D'accord ? Donc il faut savoir que cette pathologie elle a bénéficié de progrès énormes en matière de thérapeutique, surtout l'anesthésie, l'évolution de l'anesthésie. Maintenant, pratiquement 99% des malades, en dehors des polyfracturés, polytraumatisés, bénéficient d'une anesthésie loco-régionale. Alors que dans le temps, il y a 20 ans, c'était des anesthésies générales. On faisait des anesthésies générales pour les malades qui ont des fractures de l'extrémité supérieure. Maintenant, non, c'est le contraire. Les gens se sont habitués à faire des rachianesthésies. Donc, ce développement est très important. Et vous avez aussi le progrès qui concerne les nouveaux matériaux d'ostéosynthèse. Ces nouveaux matériaux d'ostéosynthèse ont évolué parce que les gens ont bien compris maintenant, enfin ça fait longtemps qu'ils ont compris, depuis les travaux de Powell et tout ça, ils ont compris que le squelette de l'être humain, il est soumis à des conditions biomécaniques. Donc on étudie le squelette être humain comme on étudie le génie civil. Vous voyez, comme on étudie par exemple le génie civil pour les bâtiments, c'est la même chose. Et suite à ce constat que le squelette, il répond, il est soumis, il répond aux contraintes biomécaniques, les choses ont évolué en matière de traitement. D'accord ? Ils ont des gens compris. On va voir au fur et à mesure, on va comprendre cette introduction. Oui ? Vous voyez là ce schéma, pour faire la séparation des choses. Vous avez individualisé en jaune le col fémoral et vous avez en marron la région trochantérienne. On peut les voir, ces fractures, à tous les âges. de chez le nouveau-né, nourrisson, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la vie. À tous les âges, bon, notre chapitre ne concerne pas les enfants. Les enfants, c'est un peu plus difficile, surtout les nourrissons, parce que c'est tout le nouveau-né. Des fois, on est surpris de constater des hématomes et de la hanche. Et quand on fait une échographie ou tout ça, on constate qu'il y a un décollement. En fait, une fracture décollement de l'extrémité supérieure du fémur, parce qu'il n'est pas visible radiologiquement. La tête fémorale n'est pas visible. Jusqu'à 4 mois, elle n'est pas visible. Donc on peut la retrouver à tous les âges, mais il faut savoir que maintenant, ça est devenu de plus en plus fréquent chez les personnes âgées. Il faut voir que, en matière de sexe, la prédominance à partir chez les personnes âgées appartient aux femmes, à cause de la fameuse ostéoporose post-ménopausée. Et avant les 50 ans, les statistiques disent que la fréquence, elle est la même. Donc on peut considérer que même la femme, pour faire une fracture du col, il faut vraiment qu'elle soit soumise à un traumatisme violent. Les mécanismes, vous avez les mécanismes chez les sujets âgés. En général, c'est les chutes banales. Du fait de la fragilité osseuse, ils se fracturent. Pour l'adulte jeune, c'est des traumatismes violents avec l'accroissement et le développement maintenant des puissances de voiture et aussi le développement de certains jeux, de certains sports qui n'existaient pas auparavant et qui sont devenus abordables pour tout le monde. Donc on voit qu'ils agissent sur la fréquence de ces lésions chez les adultes jeunes. Les accidents de travail aussi, il ne faut pas les négliger, mais sachez que chez les adultes jeunes, ça nécessite une violence et un traumatisme à haute énergie. Ces traumatismes à haute énergie, ils ne font pas que fracturer l'os. Avant d'arriver au point de rupture de l'os, il y a d'autres organes qui passent avant. La rate, le foie, le crâne, et ainsi de suite. Donc sachez que, en général, l'adulte jeune, il fait une fracture du col dans un contexte de polytraumatisme. Il faut savoir y penser. Quand un adulte jeune vient en consultation d'urgence, il faut le recevoir avec des conditions d'urgence, c'est-à-dire penser à une lésion abdominale, thoracique, et ainsi de suite. Il faut avoir ce réflexe. Pour la répartition des fractures par rapport à la région, vous avez les deux tiers, c'est les fractures trochantériennes. Pourquoi la prédominance, elle est aux fractures trochantériennes? Parce que du fait de l'anatomie de la région trochantérienne, c'est une région qui est riche en spongieux, riche en vascularisation, mais dont les corticales sont minces par rapport au col. Au fait, le col, on va le définir, vous comprenez bien, ça pour parler des classifications, on va les apporter après une petite définition. Le col, c'est une métaphyse, au fait. Vous savez que c'est une métaphyse, oui. C'est une métaphyse, mais le col fémoral, c'est une métaphyse, c'est une daphyse qui est située à l'intérieur d'une métaphyse, c'est-à-dire le col et la région trochantérienne, les deux font partie de la métaphyse proximale du fémur. On dit métaphyse, la région métaphysaire. Par contre, il y a des différences notables anatomiques entre le col et la région trochantérienne. Le col, il se comporte comme une diaphyse, c'est-à-dire une diaphyse, elle a quoi? Si on prend en compte la diaphyse fémorale, des corticales épaisses, et elle n'est pas vraiment spongieuse. C'est le cas du col fémoral. Pourquoi il est fait ainsi? C'est pas par hasard. Pourquoi il est constitué comme ça? C'est pas par hasard. Parce que le col, il est situé en porte-à-faux. Vous avez la tête, vous avez le trochanter. Il est en porte-à-faux entre le poids du corps, le centre de gravité du corps, et la zone de résistance du sol qui est représentée par le membre inférieur. Vous voyez, il est en porte-à-faux. Donc c'est ce qui explique qu'il est constitué d'une façon d'une diaphyse. C'est pour supporter des contraintes. D'accord? Donc c'est un cylindre aplati d'avant en arrière. Bon, je ne vous apprends rien, c'est de l'anatomie. Là, il présente à décrire deux bords, un supérieur et un inférieur. L'inférieur, c'est la continuité de la corticale inférieure fémorale. Elle est plus épaisse, plus résistante, et on l'appelle l'éperon de Merkel. Ça s'appelle comme ça, parce qu'il est très important dans la stabilité de la région d'extrémité supérieure du fémur. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du spongieux. Ce n'est pas comme le trochanter, mais il a du spongieux. Mais le spongieux dans le col, il est distribué de façon intelligente. C'est comme, pour vous donner un exemple, vous comprenez le système, c'est comme la ferraille qu'on met dans les poteaux de béton. C'est la même chose. Vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre à Boumerdès. Il y a eu des enquêtes. Ils ont vu que pas mal de bâtiments étaient mal conçus. Au lieu de mettre 8 barres de ferraille à l'intérieur, il n'y avait que 4. C'est pour ça qu'il y a eu une catastrophe pareille. C'est la même chose. Le col, il a du spongieux, mais ce spongieux est réparti de façon intelligente et il est concentré, condensé de façon intelligente pour répondre aux contraintes qu'ils exercent sur le col fémoral. C'est quoi les contraintes au fait? Si on se met, on appuie mon obodal comme ça, tout le col, tout le poids du tronc va être transmis au membre inférieur par l'intermédiaire du col. Donc le poids de notre corps, il a tendance à fléchir le col. Vous comprenez? Il a tendance à le fléchir, pas à l'étendre. D'accord? Donc c'est ce qui explique que la corticale inférieure est plus épaisse que la corticale supérieure. C'est pour répondre à cette contrainte de flexion. D'accord? Donc le col, bon, on va commencer par le col. Le col est situé entre la base d'implantation de la tête. La tête, on ne va pas la faire aujourd'hui. Ce n'est pas de votre domaine. Parce qu'il existe un chapitre des fractures des têtes fémorales. C'est des fractures, bien sûr, articulaires, exactement. Et la base d'implantation du col au niveau de la région entrecôtelienne. C'est ça le col fémoral. Ces fractures, lorsqu'il y a atteinte de ce col fémoral, il y a la mise en jeu du pronostic fonctionnel. C'est-à-dire, le col en lui-même, il ne tue pas l'adulte jeune. On n'a jamais vu un adulte jeune mourir de son col. Il peut compliquer de pseudarthrose, il peut compliquer de nécrose, il peut compliquer de coxarthrose, mais il ne mourra pas de ça. Impossible. Il risque de mourir beaucoup plus des conséquences du traumatisme, lésions viscérales et ainsi de suite. D'accord. Mais chez les personnes âgées, là, il met en jeu le pronostic vital, mais pas de façon directe, de façon indirecte. Sachez que la personne âgée, elle est supposée avoir des tares. Des tares avant d'arriver aux complications de décubitus. Des tares, diabète, hypertension. Et cette situation de stress qui est représentée par la fracture trochanterienne, la douleur, l'impotence, tout ça, c'est une situation de stress qui risque de décompenser les tares avant d'arriver aux complications de décubitus. Deuxième élément qui est nocif pour le vieux, c'est les complications du décubitus, de l'alitement. C'est l'alitement qui tue le vieux aussi. D'accord? Entre autres, les infections pulmonaires, les escarres, les thrombophlémites, et ainsi de suite. Les thromboses veineuses profondes, les infections urinaires, et ainsi de suite. Vous voyez, ça tue indirectement. D'accord? Sur le plan anatomique aussi, sachez qu'il y a des mensurations qu'il faut connaître. Il y a des mensurations importantes qu'il faut connaître. Ce col-là, le col fémoral, il est situé par rapport à l'axe du membre, à 130 degrés par rapport à l'axe du membre. D'accord? Quand on calcule l'axe, ce qu'on appelle l'angle cervico-diaphysaire, c'est-à-dire entre le col, on choisit toujours, si on veut calculer l'axe du col par exemple, on choisit deux points de cortical proximal et deux points de cortical distal du col et on voit le milieu et on joint par une ligne. Pour le fémur, c'est la même chose. On prend deux points différents. Deux points, le milieu des deux points, et on trace un axe et on calcule l'axe cervico-diaphysaire. En moyenne, il est de 130 degrés. En moyenne, je dis bien en moyenne. Parce qu'il y a des variations anatomiques entre les individus et les ethnies et les races. D'accord? Mais en moyenne, sachez que c'est les 130 degrés. D'accord? Il y a une deuxième mensuration qu'il faut signaler aussi pour le col fémoral, qui est importante à connaître, surtout sur le plan technique et tout ça. C'est ce qu'on appelle l'antéversion. C'est quoi l'antéversion en fait? Est-ce que vous. On vous en a parlé pendant le cours de généralité ou non? Ça fait rien. Vous avez un plan frontal. Le plan frontal, c'est celui qui est parallèle à mon front. D'accord? Le col fémoral, mon col fémoral, il n'est pas situé dans le plan frontal. D'accord? Le col, la tête fémorale et la base du col sont situés à deux plans parallèles. La tête dans un plan, plus en avant de sa base, c'est-à-dire, au fait, il est tourné vers l'avant, la tête vers l'avant, et sa base, elle est là, le fémur, elle est là. C'est ce qu'on appelle l'antéversion. Anté, ça veut dire avant. D'accord? C'est l'antéversion. Ce qui explique un truc important, c'est que cette antéversion, en fait, quand on fait un cliché, ça nous empêche de voir le col bien déroulé. parce que le rayon il va être perpendiculaire, on va voir le coin par le biais, on ne va pas le voir de face. Pour le voir de face, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler l'antéversion. Et comment on annule l'antéversion? En faisant une rotation interne du membre. Regardez mon membre. Je tourne un peu mon membre, comme ça, en rotation interne. Et le col va tourner. Et là, je le déroule. Quand on fait un cliché, on le voit de face. Sachez que cette antéversion, entre 10 et 15 degrés. Vous risquez de trouver dans chaque bouquin un truc spécifique, hein, mais entre 10 et 15 degrés. Elle est importante à connaître parce que si on veut voir, étudier sur le plan anatomique, le col fémoral, sur une radiographie, il faut qu'elle soit faite de face. Si elle n'est pas faite de face, c'est-à-dire en rotation interne, on ne voit rien. On ne risque pas de voir la direction du trait, le type du trait, on ne risque pas de le voir. Ça, c'est important à connaître. Sur le plan vascularisation, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut savoir que la vascularisation au niveau de la région cervico-épiphysaire, c'est-à-dire céphalique, la tête fémorale, elle est de type terminal. Le problème, quand elle est de type terminal, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'anastomose. C'est-à-dire un capillaire coupé, c'est un capillaire perdu. D'accord? Et cette vascularisation, elle chemine en majorité en intra-osseuse et en intracapsulaire. Quand je dis intracapsulaire, qu'est-ce que ça veut dire intra-osseuse? Ça suppose quand il y a un déplacement important, il y a une lésion importante du capital capillaire, du capital sanguin. Donc quand il y a un déplacement important, il y a une lésion importante de la capsule, automatiquement, il y a une lésion, un maximum de lésions au niveau de la vascularisation. Ce qui se traduit au fait la vascularisation, ce n'est pas une vascularisation du col, c'est une vascularisation qui chemine vers la tête, pour la tête. Et l'expression plus tard, des fois on assiste, par exemple, pour vous dire que c'est différent. On assiste à des fractures du col qui consolident, mais qui consolident avec des nécroses céphaliques. Pourquoi? Parce que les capillaires sont prédestinés à la tête fémorale. Vous comprenez? La conséquence, ce n'est pas au niveau du col qu'elle va se faire, c'est au niveau de la tête. D'accord? Cette vascularisation, elle est assurée par deux grands troncs. Vous avez la circonflexe antérieure. C'est elle qui donne la majorité de la vascularisation de la tête fémorale. C'est les trois quarts supports internes de la tête. Vous avez l'artère circonflexe postérieure. Elle est responsable de la vascularisation d'un quart inférieur interne de la tête. Il y a aussi une artériole, ça s'appelle l'artère du ligament rond. Et le ligament rond, c'est lui qui stabilise la tête au fond du cotyle. Il relie le fond du cotyle à la tête. L'emplacement du ligament rond au niveau de la tête, on l'appelle fovéa, parce que c'est une petite partie, c'est une dépression où il n'y a pas de cartilage. Vous avez sur le schéma la vascularisation. Là aussi, c'est plus détaillé. Vous voyez, regardez le déplacement, comment il agit au fait sur la vascularisation de la tête. À droite, vous avez la vascularisation à gauche, et le déplacement, comment il agit. Tout à l'heure, je vous ai parlé que le col il est constitué de deux corticales, dont la plus importante est l'inférieure, et d'un système de travée. Au fait, ce système de travée, quand il a été découvert, c'était sur l'os de cadavre, de squelette. Ils ont coupé l'os sur le plan longitudinal. Ils ont vu qu'au niveau... il y a une certaine organisation des travées. Les gens, ils ont étudié pourquoi il y a telle organisation naturelle. Ils ont vu que, bon, ils ont décrit d'abord qu'il y avait cinq groupes principaux de travaux. En quelque sorte, cinq groupes de ferraille dans le béton. Vous avez le groupe principal. Est-ce que vous arrivez à voir les couleurs? Parce qu'il y a trop de lumière. Vous avez le groupe principal de compression, c'est le plus important. Au fait, il est là pour éviter que le col plie sous le poids du corps. C'est pour ça qu'on l'appelle le groupe principal de compression. Et il monte de l'éperon de Merkel vers la partie supérieure, en éventail, vers la partie supérieure de la tête. Pourtant, c'est pour ça qu'on appelle l'éventail de sustentation. Vous avez le groupe principal de tension. Celui-là, il est là pour empêcher le col de fléchir. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'arc bouton. Il a la forme d'un arc. Il part de la région trochanterienne en sus cervicale et se termine la partie entero-inférieure de la tête fémorale. Ça, c'est les groupes principaux. Hein. Il y a des groupes secondaires. Les groupes secondaires, leur disposition se fait dans la région trochanterienne. Et en fait, leur travail, c'est la continuité des groupes principaux. D'accord? Vous avez le groupe secondaire de compression. Et vous avez la flèche, vous le voyez, il démarre aussi de l'éperon de Merkel, c'est la partie noire de la corticale antenne. C'est ça l'éperon de Merkel. Vous avez le groupe secondaire de tension qui démarre bien sûr la corticale externe de la région trochantérienne. Et vous avez le groupe trochantérien. C'est au niveau, ce que vous voyez en noir, au niveau du sommet du grand trochantère. Ces différents groupes sont là pour répondre à des sollicitations. Vous allez me poser la question, groupe trochanterien, qu'est-ce qu'il en a foutre de la biomécanique? Il est là, c'est très important le groupe trochanterien. Il y a des travées et un renforcement, donc il y a une raison pour ça. Pourquoi il y a un renforcement au niveau de la région trochanterienne? On appelle le groupe trochanterien, c'est au niveau du sommet du grand troc. Pourquoi on l'appelle groupe trochanterien? Pourquoi il existe au fait? S'il vous plaît, éteignez vos téléphones. C'est pour répondre à des sollicitations. De quelle sollicitation il s'agit? Pardon? L'insertion des muscles fessiers, il faut le dire. Fessiers, c'est des muscles très importants pour la stabilité de la position debout et pour la locomotion, pour la marche. C'est des muscles, c'est des puissants muscles fessiers. Vous savez, il y a des fractures de fatigue, des fois des contractions brutales suite à des glissades. Contraction brutale des fessiers, ça arrache le grand trochanter, ça fracture le grand trochanter. Ça ne fait pas des fractures trochantériennes, mais ça fait une fracture parcellaire trochantérienne. Ça arrache le grand trochanter. Donc c'est là pour répondre à des sollicitations. Celui qui a étudié bien la biomécanique, qui est le père en fait de la biomécanique, et qui a expliqué les choses, il a commencé par le col, et puis il est parti pour étudier le reste du squelette, mais il est resté célèbre par ses études, parce qu'il a présenté son travail en 1935, dans un congrès international, c'est Powells. C'est lui qui a découvert, en fait ça date du début du siècle dernier, hein, c'est pas loin. C'est lui qui a découvert les choses, il a expliqué aussi, on va voir son explication, grossièrement comment il l'a fait. Schématiquement, il a expliqué les choses de façon simple. Il leur a dit que cette disposition n'est pas là par hasard. Elle est là pour répondre à des sollicitations. Mais ce qu'il a constaté, lui, c'est que cette disposition de travail est faite par la plus grande économie de matériaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de groupes de travail. Vous savez, il y a 5 groupes de travail. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ils sont là, mais ils sont efficaces. Ils sont faits de façon économique en matière de matériaux, mais ils sont là efficaces. C'est pour ce qu'il a dit ça à la fin de son exposé. Et puis, il leur a expliqué. En fait, on voit une image de radio. Il y a trop de lumière, donc vous ne voyez pas la disposition des différents groupes. Mais sachez, retenez le groupe principal de compression qui part de la corticale inférieure et qui monte en éventail comme ça, au niveau du pôle supérieur de la tête. Là, c'est un schéma qui vous montre la disposition des groupes. Pour expliquer les sollicitations, il a utilisé ce qu'on appelle la balance de Powells. Au fait, il a pris une colonne élastique, on produit en caoutchouc probablement, élastique, ce n'est pas une colonne rigide. Il a pris un poids, il a mis le poids, il a centré le poids sur la colonne, devant tout le monde, et les gens ont constaté que la colonne s'est un peu affaissée. La hauteur a diminué, mais elle est restée droite parce qu'il a centré le poids au niveau de la colonne. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, bon, elle s'est affaissée sous le fait du poids, et parce qu'il y a de la compression, uniquement de la compression. Puis il a pris ce poids, il l'a poussé un peu, il l'a excentré, il n'est plus centré. Il l'a poussé sur le côté et la colonne s'est penchée. Donc il leur a posé la question, on lui a répondu, du côté où elle a penché, ça, il y a de la compression. Mais de l'autre côté, ça s'est allongé au fait, le bord de l'autre bord, parce que ça penchait. C'est l'étirement, c'est la tension. Vous voyez, c'est là, c'est comme ça qu'il a expliqué qu'au niveau du... Le fait qu'il a excentré, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, le col, c'est-à-dire le poids, il ne s'exerce pas directement sur le membre inférieur, il est différer les contraintes sont différées du point de la tête vers le fémur à travers le col qui est oblique. D'accord ? Il est décalé. Donc, il leur a expliqué, c'est ça le cas du col fémoral. C'est-à-dire qu'il y a des forces de compression qui tendent à fléchir le col et il y a des forces de tension qui sont là pour retenir, pour empêcher le col de fléchir. Et c'est l'équilibre entre les deux qui fait en sorte qu'il n'y a pas de fracture. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le schéma de la balance de Boas. Si vous ne comprenez pas, vous posez des questions, s'il vous plaît. On a terminé les généralités, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout est clair ? Ok. Bon, sachez que dans la fracture du col fémoral, il y a plusieurs classifications. Il y a une multitude de classifications. Mais l'ANAPAT, les classifications en ANAPAT ne sont pas là pour emmerder les gens, pour qu'ils les apprennent. Il faut savoir que la classification en ANAPAT, elles ont été créées intelligemment par des personnes qui ont de l'expérience, mais qui servent, qui ont un but. Une classification en ANAPAT, elle peut avoir un but thérapeutique, elle peut avoir un but pronostique, c'est-à-dire expliquer aux gens et avoir un langage surtout universel que le monde entier comprenne, c'est-à-dire quand vous adressez un japonais, vous dites Garden 3, il sait qu'est-ce que c'est. C'est pas la peine de le dire en japonais qu'est-ce que ça veut dire le Garden 3. Vous voyez, c'est un langage universel. Premièrement, et ça peut avoir aussi un but thérapeutique. Les gens qui ont de l'expérience disent, par exemple, bon, moi j'en ai fait 10 000 cas de cette fracture. Donc, je pense que ce cas-là, dans le trait oblique, machin, il vaut mieux lui faire ça parce que j'ai essayé autre chose, ça ne marche pas. Vous comprenez ? Ça a toujours un but. Et ça oriente le médecin vers quelque chose. Soit donner un pronostic au patient, soit indiquer une attitude thérapeutique. D'accord ? C'est comme ça que c'est né les classificateurs. Il faut savoir pour le code, il y en a une multitude. Bon, j'ai résumé un peu les choses. Je veux vous donner les plus importants. Il faut savoir, dans le code, la première à avoir existé, elle est toute simpliste. C'est le siège. Et vous savez très bien qu'en classe, normalement ça a été fait pendant le cours de généralité, on classe les traits de fracture en fonction de quatre éléments. Vous avez assisté au cours ? Oui. Le premier élément, c'est le siège du trait. Le deuxième élément, c'est quoi ? Il ne faut pas mélanger les choses. C'est le type ou la direction du trait. C'est la même chose. Le type ou la direction du trait. C'est la même chose. Troisième élément, c'est les déplacements. Le quatrième élément, c'est... Pardon ? Vous avez dit quoi ? Les lésions associées. Les lésions associées. Parce qu'au fait, on donne une classification... Au départ, pas à la fin du traitement. Vous comprenez ? On le fait au départ, avant de traiter le malade. C'est là où on reçoit le malade, on fait des radios, on fait une classification. On n'attend pas à la fin. Donc, l'une des premières classifications qui a existé, c'est la classification de Delbé. Elle est toute simpliste. Elle s'adresse au siège, en fait, du trait de fracture. Soit à la jonction tête-col, ça s'appelle sous-capital, soit au milieu du col, c'est transcervical, soit... À la base du col, c'est la base cervicale. Et le type 4, il a été rajouté à la fin. C'est les fractures trochantériennes. Sachez que cette classification n'est plus utilisée pour l'adulte. Parce qu'il est trop simpliste, on continue à l'utiliser pour l'enfant. Parce qu'au fait, ce qui est important chez l'enfant, c'est de savoir que le type 1, il est très grave. Ça correspond à quoi, au fait, le type 1 ? C'est le cartilage sous-céphalique. Donc, s'il y a un trait, là, ça veut dire que c'est un décollement épiphysaire. La tête se décolle carrément du col au niveau du cartilage de croissance. Et c'est très important, parce que sachant que c'est 30% de croissance du fémur, pas du membre, du fémur. C'est 30% de la croissance du cartilage supérieur, c'est 30% de la croissance de la longueur du fémur. Parce qu'en bas, l'extrémité inférieure, c'est 70%. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la classification selon le siège de Delbé. Vous avez aussi le deuxième critère en APAT, c'est ce qu'on appelle la direction ou le type de trait. Il y a des gens qui ont rapporté des fractures assez particulières dont le trait ne chemine pas dans un seul plan. de téléfracture, je mets dans plusieurs fronts. Ils ont appelé ça fracture sphéroïde. Et par définition, on sait très bien, quel que soit le siège de la fracture sphéroïde, c'est une fracture qui est instable. Elle est instable. Donc, vous devinez que c'est des fractures du col fémoral à problème et qui posent des problèmes thérapeutiques, c'est vrai. Il y en a deux types qui ont été décrits. Pour les différencier, c'est tout à fait simple. Vous avez les fractures, ce qu'on appelle la bec céphalique. Regardez la tête fémorale. Imaginez que c'est une tête d'oiseau. Et vous avez le bec en bas. D'accord? Et vous voyez que, si on se réfère à cette fracture à bec céphalique, vous voyez que le trait, cette image du trait qui se rapproche de la verticale. D'accord? Donc c'est une fracture instable, de mauvais pronostic, dont la réduction est difficile. La réduction, ça veut dire réduire le déplacement, est difficile, parce que communément, le col fémoral, on le réduit sans ouvrir l'articulation. Dans le temps, on ouvrait l'articulation, mais maintenant, il y a les moyens. Sauf pour ces fractures, où des fois, on est obligé d'ouvrir l'articulation pour contrôler, sous le contrôle de la vue, la réduction de cette fracture, parce qu'elles sont très instables. Par contre, il y a l'autre fracture sphéroïde, dont le trait se rapproche un peu de l'horizontale. Et cette histoire de verticale et horizontale, on va s'expliquer tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer. C'est Powell qui a constaté ça aussi. C'est ce qu'on appelle des fractures à bec cervical. Vous voyez la tête, elle est en rouge. Et imaginez la tête d'oiseau, c'est la région transcontinentale. Le bec, il est en bas. Vous voyez que ce trait sphéroïde, il se rapproche beaucoup plus de l'horizontale. Elles sont de meilleures pronostics, elles sont plus stables. Pourquoi? Vous allez me poser la question. On va rentrer toujours dans la direction type de trait, c'est la classification de Powell. C'est lui qui a expliqué après, parce que cette description a été faite par Mollet et Ricard. C'est des gens qui ont rapporté ces fractures sphéroïdes. Avant la classification de Powell, il n'y avait pas ça. C'est après la classification qu'ils ont constaté qu'il y avait deux types de fractures sphéroïdes. L'une dont la tendance du trait était verticale, et l'une dont la tendance du trait était horizontale. Mais pourquoi horizontale et verticale? Là, Powell, il a constaté tout ça parce qu'il a fait sa classification, qu'on appelle classification, en fonction toujours du type ou de la direction du trait. Et lui, il a fait sa classification en trois groupes. Le groupe 1, quand le trait de fracture, la tangente au trait de fracture, fait un angle avec l'horizontale, pas la verticale, l'horizontale, un angle inférieur à 30 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez l'horizontale, vous avez 30 degrés. Ça veut dire que c'est un trait qui se rapproche de l'horizontale. D'accord? C'est le type 1. Bon pronostic. Vous avez le groupe intermédiaire, c'est le groupe 2. C'est entre 30 et 60. Un peu vers le 30, vers l'horizontale, un peu vers le 60, vers le vertical. Et vous avez le troisième groupe qui se rapproche de la verticale. Quand vous avez un trait vertical, imaginez, c'est des deux bouts fracturés. Vous avez un trait vertical. Quand vous amusez à marcher dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça qui se fait entre les deux traits, parce qu'il est vertical. C'est ce qu'on appelle le cisaillement. Cisaillement. C'est l'instabilité qui donne ça. Et quand vous avez un trait qui se rapproche de l'horizontale, quand vous appuyez dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça applique les deux surfaces fracturées l'une contre l'autre. Ça bloque. Et ça, c'est bénéfique pour la consolidation. C'est pour cela, quand un trait se rapproche de l'horizontale, bénéfique. Parce qu'il y a les forces de compression. Quand il se rapproche de la verticale, il y a le cisaillement qui est nocif pour la consolidation, qui est générateur de complications. C'est tout l'absodarthrose. L'absodarthrose qui est définie par quoi? Et délai, c'est très important. Et délai, c'est très important. Il faut citer la deuxième moitié de la définition. Absence de consolidation, ça ne suffit pas. Parce que chaque segment osseux, il a son délai de consolidation. Donc vous voyez, c'est Powell en fait qui a éclairci les choses pour les gens. Hein. Et ça a beaucoup aidé les gens à concevoir les ostéosynthèses. Et on va voir plus tard comment c'est venu l'idée. C'est-à-dire qu'au fait qu'il faut mettre en compression le fruit de fracture pour obtenir une consolidation. Parce que c'est des fractures qui posaient tellement de problèmes aux chirurgiens orthopédistes avant l'avènement des études de Powell. Ça posait beaucoup de problèmes. Et puis après, quand les gens commençaient à utiliser l'étude de Powell, parce que Powell, la reconnaissance, c'était après. Hein. Ce n'est pas les gens, ils ont dit bravo 1935, ça y est, on a tout compris. Non, c'est des années 60 où ils ont compris l'intérêt de l'étude de poésie. C'est dans les années 60. Et là, ça a commencé à changer. Maintenant, on a vu le siège, le type ou direction du trait. Maintenant, les déplacements. Dans le déplacement, j'ai choisi, c'est la plus utilisée, c'est la classification de Gardin. C'est un nom propre. Bon, Gardin, lui, il a étudié des milliers de dossiers de fractures du col et il a essayé d'établir une fracture, une classification pronostique, en fait, pour voir quelles sont celles qui nécrosent le plus, quelles sont celles qui consolident le plus, quelles sont celles qui se d'arthrose le plus, et ainsi de suite. Donc, il a regroupé, en fait, en quatre groupes, ces fractures, en quatre types, pour donner une description universelle aux gens. Vous avez le type 1, et comment... Pardon, il ne faut pas que je sache, ça c'est important. Et comment dire, en fonction du déplacement. Et comment juger le déplacement? Pour faciliter les choses, tout à l'heure, on a vu la radio. Qu'est-ce qu'on voyait le plus dans la radio? Dans les groupes de travail, qui était le plus visible? Il y avait le groupe principal de compression, c'est lui le plus visible. Bon, il l'a pris comme référence. Il faut voir le déplacement de la moitié des travées céphaliques par rapport la moitié des travées cervicales. D'accord? Et je vais vous expliquer. Il a décrit quatre types. Le type 1, ce qu'on appelle les fractures en coxa valga. C'est quoi coxa valga? C'est vers le dos. Coxa vara, c'est vers le dedans. En fait, coxa valga, ça augmente l'angle cervico-diaphyseal. Et coxa vara, ça diminue l'angle cervico-diaphyseal. D'accord? Mais la tête en basculant en dos, imaginez, vous avez la tête, elle est là, le col, il est là. Quand elle bascule vers le dos, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas du vide entre elle et le col. Qu'est-ce qui va se passer? Elle bascule. Il y a le col qui va pénétrer dans la tête. Sinon, elle ne pourra pas basculer. Vous comprenez? Oui. Le col va pénétrer la tête, ce qu'on appelle l'engrainement. C'est l'interpénétration de deux segments osseux. Et c'est une forme de stabilité naturelle. Oui. Vous avez les fractures en coxa valga. Coxa valga, qui va? Vous avez le col, il est là. D'accord? Vous avez la tête, elle est là. Le fémur, il est là. C'est que la tête, elle bascule en dehors. Comme ça, en dehors. Vers l'extérieur. C'est la valgus. En valgus. Et comme le col, il est là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y a pas de vide entre le col et la tête. Il y a le col qui va pénétrer un peu dans la tête. Cette interpénétration, c'est une forme de stabilité naturelle de la fracture, qu'on appelle l'engrainement. Il est très important dans notre vie. On n'opère pas une fracture qui est engrainée, parce qu'elle est stabilisée naturellement. Pourquoi l'opérer? D'accord? C'est l'engrainement, c'est la définition d'engrainement. Donc on dit que c'est une fracture qui est stable et engrainée. Vous voyez, le type 1, c'est une fracture qui est stable et engrainée. Le type 2, pour lui, c'est une fracture. Il existe un trait, mais il n'y a pas de déplacement. Ni en valgus, ni en varus. Ça veut dire que c'est resté tel quel, anatomique. Mais quand même, il y a un trait de fracture. D'accord? Il a fait la description, c'est ce qu'on appelle les fractures non déplacées. Mais le problème, elles sont instables. Cette fracture non déplacée, on ne peut pas dire au malade, vas-y, marche dessus. Le type 1, on peut le dire. Parce que la plupart du temps, et je vais attirer votre attention à la fin du cours, la plupart du temps, les malades viennent en boitillant. Comme ça. Je vous dis que j'ai mal ici. Vous êtes surpris quand vous faites une radio, voire une fracture engrainée. Ça a permis la marche. Dans le type 2, non. Dans le type 2, si vous mettez le pied, ça va décapter, ça va devenir un type 3. Carrément. D'accord? Donc, c'est une fracture non déplacée, mais elle est instable. Elle n'est pas stable naturellement. Le type 3, c'est contre la tête, justement, un type 2 qui a marché dessus. Il a essayé de se mettre debout, hop, elle a capoté la tête vers le bas. Varus. D'accord? Vers le bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au fait, le col, il est là et la tête est là. Elle capote vers le bas, il y a un espace qui se crée entre le col et la tête. Et la tête, elle est maintenue uniquement par la partie inférieure, antéro-inférieure avec le col. Et cette partie, c'est le périos et la capsule articulaire. D'accord? Il reste, quand on a dit tout à l'heure, il y a une vascularisation qui chemine par la capsule. Tout ça, il faut en tenir compte dans les déplacements. quand Dieu parle. Et vous comprendrez qu'une fois qu'on monte, à chaque fois qu'on monte dans le grade de gardien, le risque de nécrose est plus important. D'accord ? À cause de ces déplacements-là. D'accord ? Le coq savara, on dit que c'est une fracture qui n'est pas engrenée, elle est complètement désengrenée et elle est instable. D'accord ? Et en plus, elle est déplacée. On a dit qu'elle était déplacée en vareuse. Et on arrive au type 4. Le type 4, il a été surnommé par tête folle. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. C'est que il n'y a plus d'attache entre le col et la tête. La tête, elle est là, toute seule, très complète. Il n'y a plus de périoste, ni capsule, ni rien du tout. Et le col, il est là. Ça bouge dans tous les sens. Et pourquoi on dit tête folle? Parce qu'elle est libre. Elle est devenue libre, donc elle est folle. Quand on essaye de tourner le membre pour faire un profil, on voit la tête de face et le col de profil. D'accord? Et quand on le met en face, on voit la tête de face et le col de face. On fait le profil, le col on le voit de profil, mais la tête reste libre. Parce qu'il n'y a plus d'attache entre elle et le col. Donc elle ne bouge pas en profil avec le col. Elle reste en visible de face dans le profil. On dit aussi l'aspect en pleine lune dans le profil. C'est-à-dire que la tête reste ronde le profil. Pleine lune. Pleine lune, la lune, pardon. Pleine lune. Dans le profil, hein, pas dans la face. Dans la face, bien sûr, on va la voir ronde. D'accord? L'aspect en pleine lune, profil. C'est une fracture qui est très déplacée, parce qu'il n'y a plus rien qui retient. Très déplacée. Et elle est très, très instable. Et maintenant, on a compris que plus le déplacement est important, plus le risque de nécrose et d'interruption de la vascularisation, il est important. Mais quand même, les gens ne s'arrêtent pas là. Ils ont constaté qu'ils ont opéré certains types 4, et malgré ça, ils ont consolidé qu'il n'y a pas eu de nécrose. Alors, c'est un pourcentage. Hein. Ça ne veut pas dire que le type 4, 100% de nécrose. Non. Dans le type 4, il y a des gens qui ont opéré la condition de réduire anatomiquement pour espérer rétablir un peu la vascularisation, réduire le foyer de fracture anatomiquement. Ils ont constaté que dans le type 4, il y a un pourcentage qui ne creuse pas. Ils ont essayé de comprendre. Oh, comment ça fracture? Donc, ils ont vu que même dans le déplacement, il y a un déplacement qu'on appelle déplacement important, où la nécrose est pratiquement constante, et les faibles déplacements dans le type 4, hein, où la nécrose, elle existe, mais elle n'est pas importante. C'est Lamarck qui s'est intéressé à ça. On va passer tout ça. Bon, c'est des clichés que je vous voulais montrer tout à l'heure. C'est Lamarck, un certain monsieur qui s'appelle Lamarck. Il a essayé aussi, lui, en étudiant les dossiers, ses dossiers et les dossiers des autres, pour voir, pour faire la différence dans le type 4, uniquement dans le type 4. Hein. Ça s'adresse pour le type 4. Et il a pris comme repère, il a essayé de trouver un repère, comme Garden, il a pris le groupe principal de travail. Et lui, il a pris comme repère un point qui est situé à la jonction deux tiers supérieur de la tête et un tiers inférieur. Il a un point, puis il a tracé une horizontale. Puis il a pris un point, c'est la partie inférieure du col du segment distal. Hein, du segment distal, le point bleu. Et il a dit, après les constats du dossier, quand ce trait est situé au-dessus du point, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop déplacée, la fracture. C'est un type 4, mais qui n'est pas trop déplacé. Il y a de la nécrose, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais quand le trait il est situé, ça veut dire la tête, elle descend, en fait, sur la partie inférieure du col. Quand le trait est situé en dessous, on dit que c'est une fracture qui est très déplacée, où le risque de nécrose est maximum. Donc, en fait, la classification de Lamarck, elle complète la classification du Gardner. Elle complète. C'est une description de Lamarck qui complète la classification du Gardner. D'accord? Vous avez compris? C'est deux repères, hein. Je m'excuse, ce n'est pas un truc que j'ai inventé, c'est les personnes concernées qui l'ont inventé. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est l'anapath, on a fait le tour de l'anapath, des fractures du col. On passe à au trochanterne. Le deuxième chapitre, c'est les fractures trochantériennes. On se répète, mais allez, ça ne fait rien. On se répète, quelle est la caractéristique de la région trochanterienne? On a dit que c'était richesse en spongieux. Quand vous entendez son mot, richesse en spongieux, là vous êtes rassuré un peu. Même en tant que médecin, vous êtes rassuré. Parce que vous savez très bien que quel que soit X, ça va consolider. Dans n'importe quelle position, ça va consolider. Donc richesse vasculaire, richesse en spongieux, ça veut dire richesse vasculaire. Ça ne risque pas de nécrose. Les fractures troponterraines sont situées entre la base d'implantation du col fémoral et à une région située à 2,5 cm, là on vous montre sur la région rouge, à 2 cm sous le petit trochanter. Le petit trochanter. Question. C'est quoi le petit trochanter? Pardon? Allez-y. Oui, petit tubercule, oui. Pourquoi il existe? De quoi? Pardon? Quel muscle? Le psoas, très important muscle. C'est grâce à lui qu'on peut faire ça. D'accord? Le psoas, il est très important. D'accord? Et c'est un puissant muscle. Il commence d'ailleurs dans le dos, il descend jusqu'au le petit trochanter. Et ce tubercule qu'on appelle petit trochanter, il n'est pas situé, au fait, à la partie interne de la diaphyse. Il n'est pas situé à la partie interne. Parce qu'en outre, le psoas, il nous permet de faire ça et de faire ça. La rotation externe. Ça et ça. La rotation externe. Donc, quand je dis rotation externe, pour pouvoir tourner le fémur, il est situé un peu en arrière. Il est situé à la partie postéro-interne. D'accord? De la jonction trochantéro-diaphysaire. Autre question. Et puisqu'il est situé comme ça, c'est un très bon repère de l'incidence, le petit trochanter. Quand sur un cliché, vous voyez visible le petit trochanter, vous savez que c'est un cliché qui a été pris en rotation externe. Donc il n'est pas au nord. On a dit pour prendre la face, il faut une rotation interne. Annuler l'antéversion. On ne devrait pas voir le petit trochanter. Parce que quand on tourne d'une quinzaine de degrés en rotation interne, normalement le petit trochanter il devient postérieur. On ne le voit plus. Si vous le voyez, sachez que l'incidence a été mal faite. Ce n'est pas une incidence de face de hanche. C'est une incidence qui a été prise telle qu'elle. Parce qu'au fait, le malade, on va voir dans la clinique, quand il vient avec une fracture complète du col fémoral, sous l'effet du poids du pied, hein, le membre tombe en rotation externe. Parce qu'il n'y a plus rien qui rattache au fait le membre inférieur au bassin. Il n'y a plus rien. La capsule s'est déchirée, les ligaments s'est déchirés. Donc, automatiquement, sous l'effet du poids du pied, le membre tombe en rotation externe. Et là, il devient visible, le petit trochanter. Méfiez-vous des radios que le technicien vous fait, quand vous voyez visible le petit trochanter, ça veut dire que ça a été pris dans la position du traumatisme. D'accord? Dans l'attitude vicieuse, en rotation externe. Et vous avez besoin d'une radio en rotation interne pour annuler l'antéversion, pour voir le pas. Est-ce que vous avez compris? Deux éléments à retenir dans la région trochanterienne. Deux éléments de stabilité qui ont été décrits anatomiquement et prouvés scientifiquement. Deux éléments, ils ont constaté. Rappelez-vous tout à l'heure, on a parlé de l'éperon de Merkel. Oui. C'est la région noire. Là, vous voyez la flèche rouge de droite. L'éperon est très important pour la stabilité de la région proximale du fémur. C'est un épaississement qui fait continuité avec la corticale interne du fémur. C'est une corticale qui est très épaisse. Donc, c'est très important pour la stabilité de cette région. Et vous avez l'autre élément de stabilité, je parle de la région trochanterienne. Vous avez le mur postéro-externe. Bon, sachez retenir le mur externe trochanterien, là où il y a les insertions musculaires des muscles fessiers. D'accord? Parce qu'au fait, la corticale externe, fémorale, elle n'est pas aussi épaisse que la corticale interne, postéro-interne. Elle est amoindrée, légèrement plus fine que la corticale interne, parce que quoi? Quand on se met debout, je vous montre pour vous expliquer. Vous savez très bien sur le plan anatomique que le fémur, ce n'est pas un tube droit. Vous connaissez les formes du fémur? C'est la forme d'un S italique. Et même quand vous voyez le plan, il fait une courbure vers l'arrière. Il est arqué. Donc ce qui explique, quand je me mets debout comme ça, l'axe biomécanique du fémur, il ne passe pas par le fémur lui-même. Il passe légèrement postéro-interne par rapport au fémur. Du fait de cette forme en S, la face italique, et de cette forme courbée, l'axe mécanique passe en région postéro-interne. Donc cette région, du fait des, parce qu'elle est très sollicitée, vous allez la retrouver renforcée. D'accord? D'ailleurs, on le constate, nous, en opérant des malades, La première région à commencer à consolider, c'est la région postéro-interne. D'accord? Parce que c'est là où il y a le maximum de sollicitations. Est-ce que vous avez compris les deux éléments de stabilité? Quand il y a atteinte en même temps des deux éléments, la fracture, elle devient instable. S'il y a une atteinte d'un élément uniquement, on peut dire que la fracture, elle est stable. D'accord? Malgré sachant que même les fractures trochanterines, elles peuvent consolider, même si on les laisse en varus, s'il y a un déplacement en varus, même si elles ont un déplacement, on laisse le malade en rotation externe, elles vont consolider. Mais ça fait des cales vicieux. Cales vicieux, c'est une consolidation en position vicieuse. Cales vicieux. D'accord? Vous avez la classification, bon, la plus utilisée, c'est la classification de Ramadi. C'est, logiquement, ça s'appelle Bombard et Ramadi. Mais Ramadi, c'est lui qui est à l'origine, donc les gens disent que la classification elle a été faite dans les années 60. Et puis, il y a Ender aussi qui a tripoté un peu dans cette classification. Mais c'est celui qui est à l'origine de cette classification, c'est Bombardi. C'est lui qui a dit que les éléments de stabilité de la région trochanterienne, d'après les constats qu'il a fait, hein, l'évolution, la consolidation des malades, il a vu que l'atteinte simultanée des deux éléments entraîne une instabilité. Il a fait sa classification en deux groupes, le groupe stable et le groupe instable. On va passer rapidement. Dans les fractures, dans les groupes stables, vous avez les fractures cervico-trochanteriennes. C'est-à-dire dont le trait commence au niveau de la région base cervicale et se prolonge dans la région trochanterienne. D'accord? Si on se résume, si elles sont déplacées, à tout casser, il y a uniquement l'éperon de Merkel qui est touché, le mur postérieur externe n'est pas touché, donc c'est une fracture stable. Stable, ça veut dire qu'il suffit de la réduire un tout petit peu, de la stabiliser un tout petit peu, elle va consolider. D'accord? Vous avez le deuxième groupe, ce qu'on appelle les fractures pertrochanteriennes vraies. C'est elle qui commence au niveau du sommet du grand trochantère et descend vers le petit trope. Pertrochanterienne, c'est aussi la même chose. C'est des fractures dont un seul élément est touché, donc c'est des fractures stables. Vous avez les fractures instables. Vous avez les fractures pertrochanteriennes complexes. Quand il y a plus de deux fragments, ça devient instable. On ne dit rien. Ça devient, il y a une perte, ce qu'on appelle une perte de substance osseuse. Une perte de la continuité. Quand il y a un trait simple, mais quand il y a un autre fragment, on dit perte de substance osseuse. D'accord? La complicité devient instabilité. Vous avez les fractures sous-trochanteriennes, alors là, c'est une catastrophe. Dans le milieu, sous-trochanterienne, vous voyez, le trait il touche le plan de Merkel et il touche le mur postérieur externe. Donc, les deux éléments de stabilité sont touchés, on dit fracture instable. Et vous avez de la même chose, les fractures trochantéro-diaphysiennes, qui démarre le petit trochanterie vont vers la diaphyse, vous voyez que les deux éléments sont touchés, donc on dit fracture instable. Quand on dit fracture instable, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des difficultés à l'opérer, premièrement, et deuxièmement, il faut qu'il y ait du matériel solide pour la stabiliser. Alors que les fractures qui sont stables, non. Je vous ai dit qu'ils nécessitent un minimum de stabilité. Des fois, le minimum, vous savez qu'est-ce que c'est? Pendant le temps, on faisait ça. Quand il y a, par exemple, des tares importantes pour le vieux, qu'on ne peut pas l'opérer, l'anesthésie vous dit un risque vital si on lui fait de l'anesthésie, il suffit de mettre une botte anti-rotatoire, anti-rotation externe, c'est-à-dire pour ne pas laisser le malade consolider comme un charlot, avec le pied en rotation externe, on lui met une botte ou un coussin sous le pied pour redresser le pied quand il est alité, le temps qu'il fasse le cale fibreux, il va consolider dans la meilleure des conditions. Sans aucune séquelle. D'accord? Un minimum, vous comprenez. Mais par contre, dans les fractures instables, si on ne fait pas quelque chose de durable et solide, la fracture risque de se déplacer. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Là, vous avez un schéma qui vous montre les différentes fractures trochanteriennes, cervico-trochanteriennes, pertrochanteriennes, sous-trochanteriennes et fractures trochantéro-diaphysiennes. La radio clinique maintenant, c'est schématique et très simple. On a dit qu'ils ont en commun ça, vous faites les fractures col et trochanterien. C'est la même chose. Hein. C'est la même. À une petite différence près, c'est le siège de la douleur. Comment s'exprime la fracture du col? C'est facile. Vous avez une douleur vive, aiguë, suite à une chute pour un vieux, suite à un accident pour un adulte jeune, ou une chute d'un étage pour accident de travail, ou chute de sport, parachutiste, n'importe quoi, vous avez une douleur dont le siège est inguinal pour les fractures du col, tout près du centre, et plus externe quand il s'agit de fractures transcutanées. C'est la seule différence. Le reste, c'est pareil. Vous avez l'impotence fonctionnelle qui peut être relative dans le type 1, parce que le malade, il vient comme ça. Elle est relative, elle n'est pas totale. Totale quand il y a une fracture instable. Ça veut dire qu'il ne peut plus bouger le membre. En général, il est ramené aux urgences. Alité, il ne peut même pas décoller le talon du lit. C'est un signe très important. Il ne peut pas décoller parce qu'il y a une discontinuité ici. Donc les muscles ne vont pas agir pour fléchir. À cause de la douleur, ils ne vont pas fléchir la hanche. Le raccourcissement, il faut le comprendre. Il ne faut pas faire comme certains résistants. Hein. Je m'excuse. Hein. On a tous été étudiants, mais on comprend les choses. Vous avez une observation standard à chaque fois, fracture du col, la même chose. Attitude en rotation externe, raccourcissement. Le type, il a un type 1. Il me met rotation externe, alors que dans le type A. On a dit engrené, stable. Il dit raccourcissement. C'est impossible, le raccourcissement, on le voit où? Type 3, type 4, uniquement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce varus. Il y a une ascension du fémur, il y a ce varus qui fait en sorte qu'on a l'impression, en voyant le talon de malade, on a l'impression qu'il y a un raccourcissement. C'est l'ascension de tout le fémur vers le haut. C'est ça le raccourcissement, en fait. Mais il n'existe pas dans le type 1 ou type 2. Donc il faut être intelligent, adapter ces éléments d'observation au cas clinique. Donc c'est devenu standard. Hein. Les malades, même chose. Attitude vicieuse, rotation. Oui, où est-ce qu'il y a la rotation? Il n'y a pas de rotation externe. Vous comprenez que c'est pas gros comme truc. Au fait, dans l'examen clinique, ce qui est important surtout, c'est le bilan général, c'est l'anamnèse, c'est l'interrogatoire qui est très très important. Pourquoi? Aussi bien pour l'adulte jeune que pour le vieux. L'adulte jeune, bien sûr, il va préciser les circonstances. Rapidement, ça se fait aux urgences. Circonstances de survenue. On va poser des questions, s'il est conscient. Comment ça s'est passé? Ah, je suis tombé du deuxième étage. Là, on alerte. Vous êtes là, vous recevez le malade, on alerte les viscéralistes, les neurochirurgiens, les réanimateurs, les risques de traumatisme thoracique, machin, traumatisme violent. Vous voyez, l'anamnèse, elle est très importante. Les antécédents, bien sûr, il faut préciser. Et ces antécédents prennent de la valeur chez la personne âgée. C'est très important. Il vient, fracture du col, orthocontinent suite à une chute banale. Il ne va pas mourir de ça, mais il va mourir des conséquences d'état qu'il a. Et on se prépare déjà aux complications de décubitus. Là, on se dit, dans le but, dans le traitement des personnes âgées, c'est le lever précoce. Il faut le mettre debout le plus rapidement possible pour éviter ces complications de décubitus. Par contre, si je suis jeune, le but du traitement n'est pas pareil. Ce n'est pas le lever précoce. C'est assurer la continuité osseuse pour qu'il va casser sa coupération. D'accord? Espérer consolider la fracture pour que continue sa vie, le type Mezalou. Là encore, devant lui, il doit être rentable pour la société, travailler et ainsi de suite. Vous comprenez? Le but, il est différent. Avant de traiter, on se fixe toujours un but. Et on voit qu'est-ce qu'on a comme moyen. Et là, on pose des indications. Qu'est-ce qui est le mieux adapté à ça? C'est pour ça qu'il existe les chapitres but, moyen, indication. Ils ne sont pas là pour rien. Donc, vous voyez que c'est important. Il va préciser l'interrogatoire sur le vieux. Est-ce qu'il était autonome? Est-ce qu'il marchait auparavant? À quoi bon investir des millions en matériel d'ostéosynthèse, en anesthésie, en machin, en antibiotiques, en traitement, chez quelqu'un qui n'était pas autonome au début, qui ne marchait même pas? Il y a des indications, vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut utiliser pour réfléchir. Degré d'autonomie, vous avez le contexte essentiel à ce qu'il vit tout seul avec ses enfants, machin, les antécédents cardiovasculaires, pulmonaires, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est important à préciser. Ça sert aussi à l'anesthésiste, parce que lui, en examinant le malade avec vous, il va faire son bilan clinique préopératoire. Il va se dire, ce malade, j'ai besoin de tel bilan sanguin, tel sanguin pour le stabiliser. Il faut le stabiliser avant l'intervention, et ainsi de suite. Sur le plan bilan radiographique, je ne vais pas me répéter l'histoire de annuler l'antéversion. C'est important. Donc le bilan, au fait général d'une fracture du col fémoral, il comprend obligatoirement un bassin de face. Il va servir à quoi le bassin de face? La comparaison. Oui, c'est très important. Uniquement ça. Je vous ai dit qu'il y a des variations anatomique. Dans l'angle cervico-diaphysaire. Donc, votre angle cervico-diaphysaire ne ressemble pas à celui-là. Et ainsi de suite. Le bassin de face, lui, il va donner une étude comparative, une référence. Le côté sain, il est là, on le voit. Le côté cervico-diaphysaire est clair. Donc, le côté automatique, il doit, en post-opératoire, avoir le même angle cervico-diaphysaire. Référence. Deuxièmement, le bassin de face, il est très important dans le cas du polytraumatisé. Quand quelqu'un devient inconscient, malade. Quand je vous dis inconscient, traumatisme crânien, ça veut dire qu'il y a un relâchement musculaire. Comprenez. Lorsqu'il demande en tendance, ça se fait comment? Rotation externe. Parce qu'il y a un relâchement musculaire. Donc il se met en rotation externe. Et là, on risque d'être piégé. Donc il faut faire un bassin de face systématique pour dépister une fracture du corps. D'accord? Chez quelqu'un d'inconscient, comateux, tout est relâché. Vous comprenez? C'est très important le bassin. C'est ce qu'on appelle le cliché de débrouillage. Il est très important. Maintenant, pire, chez le polytraumatisé. Auparavant, dans les années 70, 80, 90, c'était le bassin de face uniquement. Maintenant, systématiquement, polytraumatisé inconscient, vous avez le bassin de face et le rachis, obligatoire. Parce qu'il y a des lésions rachidiennes importantes qui induisent des paraplégies et tétraplégies et qui risquent de tuer même le malade qu'il faut dépister à l'origine. D'accord? Et vous avez la hanche de profil. La hanche de profil est très importante pour étudier aussi les déplacements. D'accord? Rappelez-vous l'histoire de la tête folle et l'aspect radiologique en profil de pleine lune. Là, vous avez deux situations cliniques. On en a déjà parlé. On s'explique. Non, pour vous montrer une belle radio de coxa valga. Vous la voyez, la coxa valga, et vous voyez même la partie du col qui est engrainée dans la tête. Celle-là. Vous voyez, elle est à l'intérieur de la tête. C'est ça l'engrainement. Et la tête, elle a basculé en dehors. Et la deuxième situation, bien sûr, pour laquelle le bassin de face, s'il vous plaît, un peu de silence. Pour laquelle le bassin de face est devenu obligatoire, c'est cette situation-là. Parce que quand le malade vient avec une fracture pareille, presque inclassable, bifocale, complexe, tout ce que vous voulez, on y est, l'attention, surtout si c'est ouvert, l'attention est attirée beaucoup plus par une cuisse qui est raccourcie, déformée, qui est difforme, qui n'a aucune forme, un membre augmenté de volume. Cette attention est attirée par ça et on oublie que il risque d'y avoir un col qui est associé en haut. Donc systématiquement, c'était systématique. Maintenant, le bassin et le rachis sont devenus systématiques. Et chez ce malade, vous voyez, fémur complexe, inclassable, à côté, il y avait une fracture du col fémoral. C'est le même malade. Maintenant, on fait les évolutions. Si vous voulez faire 5 minutes de pause et on continue. OK. Dans les évolutions complications, Dans l'évolution complication, s'il vous plaît, vous faites la pause. Vous dites non. Non. On continue. C'est contraire. Hein. Pause. En procès de vote. Main levée. Oui, pour la pause. Pour la pause. Non, la majorité a dit non. Désolé pour vous, c'est la démocratie. Bon, s'il vous plaît, on continue. C'est un cours assez long, hein, et un peu barbant. Il faut bien comprendre les choses. C'est des éléments importants qui vont vous rester toute votre vie. Hein. S'il vous plaît. Sinon, je vais terminer par faire une pause. Si vous continuez comme ça. Donc les complications, l'évolution complications, on parle toujours des complications immédiates, c'est-à-dire immédiates, qui surviennent au moment du traumatisme. D'accord? Il peut y avoir pas mal de complications, vous allez faire des fractures diaphysaires et ainsi de suite, vous allez voir. Bon, pour les complications immédiates, ça c'est que dans les fractures du col, quelles complications? Les ouvertures cutanées. Je ne dis pas exceptionnel, c'est plus qu'exceptionnel, malgré que dans ma vie, j'en ai vu un. Et ça aurait dû, s'il serait toujours vivant, ça aurait dû un très bon cas clinique à publier. Parce que le type, il est tombé, réception sur le talon, transmission des charges genou en extension, fracture du col. Le fémur a continué sa course, il est sorti là, en avant du bassin. On voyait le col, d'ailleurs le reste du fémur qui est sorti. Mais le malade, il est mort. Il est mort quelques minutes après. C'est une fracture ouverte du col fémoral. On peut dire ça. Parce qu'en fait, il n'y avait aucune autre fracture sauf le col fémoral. Mais elles sont exceptionnelles et rares. De même pour les lésions vasculaires, parce que l'axe vasculaire, il est très bien protégé au niveau du canal inguinal. En fait, on se répète un peu, le pronostic vital, on a vu qu'il peut être engagé. S'il vous plaît, un peu de silence. Qu'il peut être engagé à cause du violence, traumatisme chez l'adulte jeune. Et c'est la notion de polytraumatisme. Chez le sujet âgé, on ne va pas se répéter, c'est la décompensation des tartes préexistantes et c'est les complications de décrépitus. Il vaut mieux se répéter plusieurs fois pour espérer retenir quelque chose. Hein. Quelles sont les complications tardives, évolutives chez les fractures du col? On n'en a pas 6000. Hein. Vous avez la pseudarthrose. La pseudarthrose, sa définition, c'est l'absence de consolidation, vous l'avez vu là. Au-delà des délais. Le col fémoral, normalement, il est supposé consolider en 6 mois. Si on dépasse ce délai, même après traitement chirurgical, et on voit toujours le trait, on dit, on est en droit de dire que c'est une pseudarthrose, il faut préparer un malade pour le traitement de la pseudarthrose. Il faut analyser d'abord les causes de la pseudarthrose. Parce qu'il y a des pseudarthroses iatrogènes, induites par le chirurgien. Il y a des pseudarthroses dont la raison est due au malade. Quand vous lui dites à un certain moment, il faut appuyer pour compléter le col, il n'appuie pas. Il continue à marcher en décharge. À coup sûr, quelle que soit votre technique chirurgicale, il va partir vers la pseudarthrose. Parce qu'à un certain moment, il faut appuyer. Quand il y a le cal fibreux, il faut appuyer un max pour que ce cal fibreux se calcifie et devienne os. Vous comprenez? Donc, il faut toujours analyser les causes pour préparer le traitement. Cette pseudarthrose, cette absence de consolidation, son traitement est difficile. Et tout à l'heure, je vais vous montrer schématiquement, si vous êtes intéressé, ce n'est pas votre stade, mais c'est bien de comprendre les choses, et c'est bien de dire merci à Powes aussi, hein, parce que c'est grâce à lui qu'on a compris pas mal de choses. C'est ce qu'on appelle le traitement est difficile. Pourquoi est difficile? Parce qu'il y a 2 volets thérapeutiques. Comme la pseudarthrose, c'est une discontinuité au niveau de l'os. Il y a aussi une perte de substance. Pseudarthrose, ça veut dire un semblant d'articulation, en grec. Un semblant d'articulation. C'est-à-dire, il y avait un col, mais il y a une articulation qui s'est créée à l'intérieur du col. Malheureusement, il n'y a pas de cartilage dedans. Et ces frottements induits à chaque fois, quand le malade marche avec des chats, avec des béquilles, ils vont entraîner ce qu'on appelle une résorption périfracturaire. C'est-à-dire, en fait, le col, il va raccourcir un peu. Parce que à chaque fois que ça frotte, il y a des débris d'os qui vont partir. Donc, le traitement, c'est l'ostéotomie de vagisation. Dont le but est de transférer, de transformer les forces de cisaillement en forces de compression. Vous allez voir le schéma, vous allez comprendre. Et vous avez l'autre but, c'est ce qu'on appelle la greffe pédiculée du Judée. Il y a aussi un très beau schéma que je vais vous montrer tout à l'heure. Judée, lui, c'est un Français, c'est une famille de chirurgiens, des écrits, des classifications. C'est une arche de médecins et chirurgiens, viscéral, de neurochirurgie, partout. L'essentiel, ça c'est que Judée, il a réfléchi, il a dit, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire de l'os, bon, il y a une absence de consolidation, perte de substance osseuse, je vais ramener de l'os vivant, vascularisé pour espérer entraîner une continuité au niveau de... Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a parti la partie postérieure de la région trochanterienne, il l'a basculé, et on va voir le schéma. À la fin, il y a des pseudarthroses historiques où il y a une perte de substance très importante, surtout en fonction de l'âge du patient. Des fois, on opère une fois, deux fois, et puis on en a marre. Hein. Il ne faut pas chercher à consolider une fracture qui ne veut pas consolider. Il faut la prothèse totale de hanche. C'est le moyen ultime. D'accord? Qui tend à remplacer toute l'articulation. La nécrose céphalique. Cette nécrose céphalique, elle est indépendante de la technique opératoire du mode thérapeutique. Des fois, on opère le malade. Elle est superbe, la radio de contrôle. L'évolution, elle est très bien. Le malade consolide. Et on est surpris, au bout de 2 ans, de voir apparaître un effondrement du pôle supérieur de la tête, comme ça. La coquille céphalique s'effondre au niveau de son pôle supérieur. C'est à partir de 2 ans que ça commence à apparaître. Vous allez me dire pourquoi 2 ans, 2 ans. Parce que l'interruption vasculaire, au fait, elle ne va pas entraîner une décalcification rapide. C'est le renouvellement de la structure calcique qui n'est plus fait. D'accord ? Et comme le calcium, des fois, il est utilisé à d'autres fins, il se résorbe. Donc, du fait du poids du malade, il y a un effondrement du pôle supérieur. Et vous voyez cette ostéocondensation, cette image claire au fond de la rate, celle-là, ces ostéocondensations, ce qu'on appelle des séquestres osseux. C'est de l'os qui est mort. D'accord ? Ça, c'est la nécrose. Et vous avez une nécrose là aussi, une ostéocondensation, qui est très importante, qui témoigne. Et ça commence à partir de 2 ans. C'est-à-dire quand vous opérez un malade qui a une fracture du côte, ce n'est pas à 6 mois, à 8 mois, à une année, vous êtes content. Oh, regardez la belle radio, j'ai réussi à le faire consolider, alhamdoulilah, par chez toi, fin de contrôle. Non, non, non. Il faut continuer à suivre, justement, jusqu'à après 2 ans, pour voir s'il n'y a pas de nécrose qui apparaît ou non. D'accord? Et cette nécrose, elle est redoutable. Pourquoi? Parce qu'elle touche la structure même de l'os. Elle fait effondrer la tête fémorale. Il n'y a pas d'autre choix. Si on est dépisté au début, parce qu'il y a des stades. En fait, il y a une classification spéciale de la nécrose céphalique. Hein. Et stadification, c'est le stade du début. Quand elle est révélée, quand on voit déjà une ostéocondensation s'installer avant qu'il y ait cet effondrement du pôle supérieur, on peut faire des interventions. Les gens, il y a des techniques, ils font des forages d'ici la région externe du trochanter, des trous, des tunnels jusqu'à la région de la nécrose, et ils mettent des greffons cortico-spongieux à l'intérieur, en espérant revitaliser cette région nécrosée de la tête. Ça existe des techniques. D'accord ? Sinon, à la fin, quand il y a un truc comme ça, c'est la prothèse totale. Pourquoi la prothèse totale, au fait ? On peut se dire, se contenter de remplacer uniquement la tête. La prothèse totale, pourquoi ? Parce que la tête, quand elle est comme ça, je vais vous introduire une autre définition qui ne concerne pas le corps. Quand elle est comme ça, elle a perdu sa sphéricité. Elle est plus sphérique. Le côté, comment il est ? Il est sphérique. Donc, elle est plus sphérique. Il y a quelque chose qui n'est pas sphérique, qui est en train de bouger dans un truc sphérique. C'est ce qu'on appelle l'incongruence. Incongruence. Les deux formes articulaires ne se ressemblent pas. Et cette incongruence induit une lésion du cartilage articulaire. D'accord ? Qui dit lésion du cartilage articulaire, dit coxarthrose. Et coxarthrose, il faut remplacer les deux surfaces articulaires, aussi bien la tête que le côté. C'est la prothèse totale de hanche. Pour les fractures trochantériennes, on a dit que c'était moins méchant. C'est surtout les calvicieux, c'est-à-dire consolidation en position vicieuse. Dans n'importe quelle position on les met, ils consolident, il n'y a pas de souci. Les nécroses et les pseudarthroses, elles sont exceptionnelles. Et en général, elles sont induites. C'est-à-dire induites. Soit le chirurgien qui, quand il opère, une infection post-opératoire du foyer fracturé peut induire une pseudarthrose. Parce que les germes adorent le calfré, le calfibreux. C'est riche en protéines, tout ça, comme les microbes, ils adorent ça. Donc ils bouffent tout ce qui est calé, tout ça. Vous comprenez, c'est induit. Ça ne vient jamais naturellement. Pour le traitement, chapitre, on va survoler, c'est pas de votre œuvre, mais sachez comment les choses ont évolué uniquement. Il y a quelqu'un qui a étudié ça au 16e siècle, avant, même bien avant l'avènement de la radio. Il savait que les gens, quand ils chutaient, ils avaient mal ici, ils ne pouvaient plus marcher. Fracture de l'extrémité. Et puis, quand ils mouraient, ils faisaient de la dissection cadavérique. Ils voyaient que c'était une fracture du col fémoral. Et avec l'expérience, c'est des nobles en général qui faisaient la médecine, comme celui-là, Laurent de Varagine, c'est un noble français. Il a fait un gros bouquin pour parler des fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Il n'y avait pas grand choix dans le traitement, mais ils arrivaient quand même à imaginer des artifices. Mettre des coussins, fabriquer un truc en planche pour éviter la rotation externe, et ainsi de suite, pour espérer la guérison. D'accord ? Et après, juste après, quand il y a eu l'avènement de plâtre, les adultes, même les adultes, avaient un plâtre pelvipédieux, qui est maintenant réservé uniquement pour les enfants. Un pelvipédieux, c'est-à-dire qu'ils prennent le bassin jusqu'en bas. Vous voyez, les gens travaillent, malgré qu'ils n'avaient pas les moyens. Et lui, dans son dans son aphorisme, c'est le bouquin, il s'appelle l'aphorisme de chirurgie, il a dit, parce qu'il savait comment, il s'est posé la question, au départ, comment on finir avec ces fractures qui annoncent la mort. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait une fracture de l'extrémité, prépare-toi à mourir, on lui dit, prépare-toi à mourir. C'est toi, au 16e siècle, il n'y avait ni antibiotiques, ni traitement, ni rien du tout. Ouais. Vous voyez, c'est important, ces fractures qui annoncent la mort. Celui qui a une fracture de l'extrémité supérieure, il peut se préparer pour mourir. Donc vous voyez, c'est important. Jamais négliger le volume médical. Tout à l'heure, je vous ai dit dans l'interrogatoire, l'anesthésiste, il faut qu'il voit le malade, équilibré, diabète, hypertension, détecter un problème cardiaque et ainsi de suite. Pour les fractures, on va commencer les fractures. Le but, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit le but. Obtenir la consolidation pour que le malade va casser ses occupations, c'est tout. C'est le sujet âgé, ça change. On s'en fout de la consolidation parce que déjà, j'ai oublié un élément important de vous avoir. Déjà, chez la personne âgée, le capital vasculaire, vous savez qu'il part déjà. Il y a une embolie, thrombose capillaire d'emblée. Ça commence à partir de 45 ans et ça monte. Ça existe naturellement. Donc vous voyez, le capital vasculaire, il est parti. À quoi bon s'entêter à conserver un capital vasculaire dans une fracture qui est vouée à nécrose? Donc les gens, ils ont réfléchi autrement. Moi, je sais que le vieux, si je le laisse, je ne vais pas l'opérer pour qu'il consolide, parce que je sais qu'il ne va pas consolider. Qu'est-ce qu'il va lui ramener les éléments pour construire le calos? La vascularisation, déjà, elle est précaire. D'où la cataracte. La cataracte, c'est une complication vasculaire. Vous savez très bien. Donc, il vaut mieux le mettre debout le plus rapidement. On n'a pas le temps. Je ne peux pas attendre 6 mois chez un vieux pour obtenir la consolidation. En 6 mois, il va me faire les escales de Tahro. Aussi grand que son dos. Donc, je préfère le mettre debout. Et je m'en fous. Comme l'espérance de vie, elle est limitée à partir de la soixantaine. Donc, les gens, ils réfléchissent comme ça. Donc, on s'en fout de la consolidation. Et au lieu de faire l'ostéosynthèse pour respirer la consolidation, les gens se sont orientés vers la prothèse. Pour les méthodes, ça c'est parler pour le but. Pour les méthodes dans les fractures du col, bien sûr en se basant sur les études de Powells, le traitement orthopédique, on oublie, hein, dans les fractures du col, il n'existe pas. Sauf dans une situation, on l'a dit tout à l'heure, le type 1. C'est le seul où on peut se permettre d'indiquer une abstention chirurgicale dans le type 1. Parce qu'elle est stabilisée. Il suffit de gérer le malade, de lui dire de marcher doucement, d'utiliser une canne anglaise pour aider, pour ne pas trop appuyer, pour ne pas trop déplacer la fracture. Et le suivre, il risque de consolider. Le type 1, il consolide en général quand on le gère bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire malade, rentre chez toi, vous allez consolider, vous le suivez. Il faut le suivre, il faut des conseils. Il faut une gestion de ça. Et donc, bien sûr, dans des cas désespérés où il y a une contre-indication à l'anesthésie, on ne va pas s'efforcer à opérer le malade, le tuer par l'anesthésie, laisser tranquille, il faut laisser tranquille. D'accord? Pour les méthodes de traitement chirurgical, les méthodes, on en a 6000. Vous avez les méthodes conservatrices. Je parle des fractures du col. Hein. Quand je dis méthode conservatrice, ça veut dire qu'il conserve l'anatomie. Je conserve la tête. Et j'espère la consolidation. Les méthodes non conservatrices, je m'en fous. Chez le vieux, je prends la tête et je la jette. Enfin, normalement, je ne devrais pas la jeter. Je devrais la mettre dans une banque d'os pour l'utiliser comme greffe chez d'autres malades. D'accord? Mais avant de l'utiliser comme greffe, c'est un congélateur spécial. Il faut faire une sérologie complète du malade. Tout ça, une étude hématologique et une sérologie complète. Pour être sûr que le malade n'a rien d'eux. Et on peut l'utiliser comme greffe osseuse. On ne la jette pas. Donc les conservatrices, vous allez comprendre que on l'utilise beaucoup plus pour l'adulte jeune. D'accord? Il faut la faire en urgence. Bon, on peut la faire comme chez nous, en urgence différée, ça ne pose pas de problème. À condition d'immobiliser le membre. D'accord? Pour ne pas aggraver ses lésions vasculaires capillaires. Et comme on a l'habitude, la hanche, c'est difficile pour un adulte d'immobiliser la hanche, mis à part le fait de le mettre sous traction collée, le fait de l'élastoplace, avec un poids suspendu, il va empêcher la hanche de bouger, de trop bouger, pour ne pas aggraver les lésions capillaires. Vous comprenez? Donc on peut, très momentanément, en attendant d'opérer le malade. Et quand on opère un malade, vous avez vu la classification, Les déplacements, il y a le type 2, type 3, machin. Type 2, pose pas de problème. On met le malade tel qu'il est, il est réduit. Et maintenant, il y a les matériaux, on a les appareils, ce qu'on appelle les amplificateurs. On va vous montrer une image. Les amplificateurs, c'est un appareil de radio instantané. Mais au lieu de tirer sur un cliché, quand on appuie, il tire sur un écran. Bien sûr, on porte des blouses pour se protéger. C'est ce qu'on appelle l'amplificateur. Donc, à chaque fois, on met le malade dans une position donnée dans la table, sur la table orthopédique. Je vais vous montrer la table orthopédique. Cette table, au lieu que le chirurgien utilise de la force pour tirer, pour tourner, c'est elle qui fait tout le travail. Nous, on ajuste et on tire avec la table. Il y a un système de filetage pour tirer en traction, pour faire de rotation externe, rotation interne. Et quand on a, tac, on tire, oh bien, elle est réduite, on commence à opérer. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle la réduction sur table orthopédique. Sans ouvrir, au fait, l'articulation. D'accord ? Sans ouvrir l'articulation. Et vous avez tout à l'heure, je vous ai expliqué, des fois, on est obligé d'agrandir la voie d'abord pour ouvrir l'articulation, pour contrôler sous contrôle de la vue. La réduction, c'est dans le cas des fractures spiroïdes qui se réduisent difficilement sans ouvrir l'articulation. Quand on ouvre l'articulation, ça s'appelle ostéosynthèse intra-articulaire, parce qu'on a ouvert l'articulation. Quand on n'ouvre pas, on fait uniquement une voie d'abord et on n'ouvre pas l'articulation, ça s'appelle l'ostéosynthèse extra-articulaire. Là, vous avez la belle image. Là, vous avez les pieds qui sont mis dans une chaussure. Vous voyez, la chaussure, elle est reliée au système de la table. Vous avez un appui qui bloque les deux cuisses, qui bloque les deux membres, qui empêche le malade de descendre. Et comme ça, on peut tracter sur le membre. Et vous avez un système de poulie en bas. Là, vous voyez sur la vue d'en haut, celle-là, de droite. Un système de poulie, quand on tourne, on tire, traction le membre. Et on tourne la chaussure, rotation externe, rotation interne, pour trouver la position de réduction. Ce qu'on appelle la tartare orthopédique. L'amplificateur, vous voyez le tube de l'amplificateur sur la position là en haut. C'est pour faire une incidence de face, là. Et on le bascule à 90 degrés, il devient couché pour faire le profil. Et on voit ces images-là. Vous avez un exemple d'image qu'on voit ici. Il ne faut pas en abuser, parce que n'oubliez pas que c'est des rayons X. Ça, quand il s'agit de réduction. Quels sont les moyens de synthèse? C'est une information générale pour vous. Sachez que dans le temps, dans le corps, on commençait par le vissage. Même dans le vissage, il y a eu de l'évolution. Le vissage, comment on faisait? On ouvrait à peine un peu, la peau sous peau, à travers le vaste externe, arrivé à l'os, on trépanait, on mettait la mèche, et on voyait le scope, tap. Ah, je ne suis pas bien. Bien sûr, il faut annuler l'antéversion pour faciliter le travail. Si vous mettez le malade et vous conservez l'antéversion, vous êtes obligé de tenir compte de cette position quand vous faites la mèche. Vous la mettez la face, vous contrôlez la face, vous avez un bon angle d'entrée de la mèche, mais vous êtes obligé de faire le profil pour voir dans quelle direction vous passez. Est-ce que vous inclinez vers l'avant trop, un peu? Donc pour déjà éviter ce problème, il faut annuler la rotation interne pour mettre le col dans le plan du sol. Donc vous savez très bien, en mettant la mèche comme ça, parallèle au sol, vous respectez le profil. Donc il suffit de régler la face. Vous voyez, c'est des petites astuces très pratiques. On a commencé par le méchage, le visage. Dès qu'on était bien, on introduisait la mèche, puis on enlevait la mèche, puis on introduisait la vis. Il fallait faire attention à la vis pour ne pas partir à gauche ou à droite, parce que le spongieux, la vis, elle peut partir à gauche et à droite. Donc, les gens, pour raccourcir le délai opératoire et pour éviter qu'il y ait ce problème, ont conçu ce qu'on appelle les vis cannulées. C'est des vis, la même chose que c'est des vis spongieuses. Quand on dit spongieuse, ça veut dire que le pas de vis, il est large. Le filetage, le pas, la largeur, ça tient dans le spongieux. Par contre, les vis corticales, elles tiennent dans la corticale, on n'a pas besoin d'avoir un filetage important, un diamètre un peu de filetage. Ils ont initié ce qu'on appelle les vis cannulées. Les vis cannulées, c'est des vis qui sont dotées d'un trou central, d'un tunnel central. Donc, il suffit de prendre des broches, au lieu de répéter l'opération à chaque fois. Mèche, donne-moi la vis, scope, attention, j'ai changé de direction, il faut revenir en arrière. Broche, on met la broche. On contrôle, elle est bien sur la face profil. Deuxième broche, troisième broche. Et puis, on peut éteindre l'amplificateur, parce que même la broche, on la mesure, la longueur. Et en mesurant ce qui reste en dehors de l'os, on connaît la longueur de vis. Donc on n'a plus besoin de scope. Donnez-moi une vis de 60, 65, 70, machin. Et cette vis, on la met, la broche va rentrer dans la vis. Même la mèche par laquelle on fait le tunnel, c'est une mèche cannulée, on met la vis. Et même en fermant les yeux, en tournant le tournevis, les vis, ils vont prendre la position des broches. Vous voyez, ça facilite, ça raccourcit la durée opératoire. Et en plus, ça diminue l'exposition au rayonnement. Vous voyez les astuces? Ça, c'est des astuces qui sont venues avec le temps. Et puis, venu le DHS. Le DHS, il a beaucoup changé. Avant ça, avant le DHS, il y avait les lampes, les clous, plaques, tout ça, c'est à titre historique. Il faut les oublier maintenant. Le DHS, lui, il part du principe, s'il vous plaît, celui qui n'est pas intéressé, il peut sortir. En silence, s'il vous plaît. Celui qui est intéressé, ça vous fait de la culture générale. Celui qui n'est pas intéressé, il te faut d'autres. Le DHS, il est l'expression du principe qui a été énuméré en 1936 ou 35 par Powells. C'est-à-dire la mise en continuité, en compression du foyer fracturé favorise la consolidation. Et avant le DHS, je vous ai dit qu'il y avait d'autres techniques. On a même étendu à un certain moment, il y avait des lampes plaques, on va voir, il y a une photo, et tout ça, on a même étendu l'ostéotomie de valgisation pour faire consolider les fractures, du col, fracture fraîche, hein, pas pseudarthrose. Maintenant, les ostéotomies sont réservées pour les pseudarthroses. C'était à la mode dans les années 80. C'était à celui qui faisait le plus d'ostéotomie de valgisation. Il faut, en sachant que l'ostéotomie de valgisation, elle va basculer l'ensemble de l'extrémité proximale du fémur. Donc automatiquement, on va changer l'anatomie. Un autre jour, ce malade, il risque de faire une nécrose. Et quand il fait une nécrose, pour mettre une prothèse dans une anatomie qui a changé, parce que les prothèses totales ont été créées pour être mises sur une anatomie normale. Et quand on modifie une anatomie, ça devient difficile un peu pour faire les prothèses normales. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on a abandonné l'ostéotomie de valgisation immédiate pour les fractures fraîches. Et on continue, on réserve l'indication pour les pseudarthroses. Est-ce que vous avez compris? Le DHS, lui, c'est pince, simple. C'est facile à comprendre. Il se met avec un système d'ancillaire. Quand je vous dis l'ancillaire, c'est-à-dire chaque matériel contre le DHS, il est accompagné par des tournevis, par des trucs qui facilitent la mise en place. Et facilite plus rapidement, qui accélère la mise en place. Il a chaque matériel, chaque boîte, c'est-à-dire chaque marque a son propre ancillaire. Vous trouvez une marque qui utilise un système d'ancillaire qui ne ressemble pas à une autre marque. Vous comprenez, c'est de la concurrence, l'essentiel. Connaissez le principe. Vous avez une coupe longitudinale du fémur pour vous expliquer le principe du fémur. Là, on a coupé la tête, le col et la région trochanterienne. Et là, pour vous montrer comment on met en place le DHS. On commence par mettre la vis céphalique. Pourquoi céphalique? Parce que son filetage est large. C'est un filetage de 6. Il accroche bien au niveau du spongieux. Surtout notre croisement des deux groupes principaux. Elles se croisent les deux groupes principaux. Le point d'entrecroisement, c'est la partie la plus solide de la tête. Et quand vous mettez cette vis à l'intérieur, ça veut dire que ça va bien agripper à l'intérieur. On met la vis. Cette vis, elle n'est pas cylindrique pour faire. Elle a un bord qui est aplati, comme ça. D'accord? Pourquoi un bord aplati? Parce qu'elle va être mise à l'intérieur d'un canon plaque. Là, le canon, il a été coupé pour vous montrer la vis. Hein. Mais normalement, il est cylindrique, le canon. Et ce canon, lui aussi, il est doté d'un côté qui est plat. D'accord? Pour empêcher le col de tourner dans un sens ou dans l'autre. Il n'autorise qu'un seul mouvement. Comme ça. Vous comprenez? Oui. Et qu'est-ce qui va faire ça? C'est le fait d'appuyer. Vous appuyez la vis qui tient la tête. Il va guider la tête vers le segment proximal de la fracture. Il va faire un tour. Elle va empêcher les autres mouvements parasites, la rotation, la valgus varus. La tête n'a le droit que de bouger dans un seul sens. C'est celui de la vis dans le canal. Et vous appuyez, vous comprimez. Consolidation. Le seul défaut à cette technique, qui est rapporté à cette technique, c'est qu'on est obligé d'ouvrir le foyer. C'est-à-dire incision cutanée, peau sous peau, faciale à table, désinsertion du vaste, jusqu'à. parce qu'il y a une plaque. Oui. Une plaque vissée ici, pour consolider le canon dans lequel coulisse la municipalité. Il y a un ancien terrassa. Avant ça, il y avait un autre matériel qui avait le même principe, qu'on appelait le décapé. Le décapé, il était trop fin, il se cassait, il y avait des problèmes. Et la compression dans le décapé faisait appel à un ressort. Un ressort qui était rattaché à la vis céphalique et qui tirait toujours la vis céphalique dans ce sens, qui faisait une compression permanente. Et le fait qu'il y ait un ressort et beaucoup de pièces, ça faisait des vides, ça faisait des infections, ça faisait des cassures de matériel. Il a été abandonné, ils se sont dit pourquoi faire un ressort et machin. Le ressort, ça frappe l'appui. Le fait qu'il appuie sur le malade, c'est la gravité. Vous comprenez? Ça, il faut lire comme ça les idées. Ça, la mise en compression du foyer de fracture qui favorise la consolidation. Bon, je vous parle rapidement de deux techniques qui sont maintenant réservées pour les pseudarthroses, uniquement les pseudarthroses. C'est ce qu'on appelle l'ostéotomie de vagisation. Dans le temps, on les utilisait pour les fractures fraîches. Hein. C'est quoi l'ostéotomie de vagisation? Son but est de transformer les forces de ces aliments qui sont verticales en force pression. De pression. Ok. Vous avez cette situation, par exemple, de fracture. Parlons de l'exemple des fractures fraîches. Fracture en coxavara. Vous avez une fracture en coxavara. Il y a ce qu'on appelle les lames plates décalées à 135. D'accord? Il y a les broches guides. On met une broche guide, bien sûr. C'est un calcul, hein. Il faut utiliser un calcul. Vous avez la plaque, par exemple, à 135, mais vous ne rentrez pas à 135 degrés par rapport à la diaphyse. Vous rentrez à plus. Vous voyez, on rentre à plus. Et en même temps, on enlève un coin pour ceux externes. D'accord? Vous voyez le coin pour ceux, il est ostéotomie de vagisation. Cuniforme. Pourquoi cuniforme? Parce qu'on enlève un coin aussi. Et on se retrouve avec un coin qui manque. Mais la plaque, il est décollé parce qu'on n'est pas rentré à 135 degrés avec la plaque. Et on rentre dans la plaque vissée vers la diaphyse, tout ça va basculer. Et regardez, le trait qui était vertical. Et on sait très bien que cette région ne pose aucun problème de consolidation. Elle va consolider rapidement. Mais on a transformé les forces de ces aliments en force de compression. Vous voyez, très horizontal. Le type 3 de Powers, anti 1. Vous comprenez le principe? Oui, oui. C'est l'ostéotomie qui a été imaginée par Powers. Ouais. D'accord? Pardon? Non? Pardon, il y a une question importante. Il y a une question intelligente. Ça ne va pas gêner. Pourquoi? Parce que toute la tête est décartilagineuse. D'une part, il y a un truc que j'ai entendu maintenant. Les gens disent, bon, ça va allonger le membre. Ça va augmenter la longueur de le membre. Mais n'oubliez pas qu'on a fait une ostéotomie de soustraction. L'allongement, il est relatif. C'est vrai qu'il y a un allongement de quelques millimètres. On ne se rend pas compte. Chez l'être humain, je suis sûr que parmi vous, plus de la moitié, ils ont un raccourcissement de quelques millimètres d'un membre par rapport à l'autre. Et sûrement la gauche par rapport à la droite. Et pour les gauchers, c'est la droite par rapport à la gauche. C'est évident. On le sent, le raccourcissement, quand il dépasse les 2 cm. C'est là où il faut apparier avec une semelle. 2 cm. Imaginez 2-3 mm, quelques millimètres, on ne le sent pas. D'accord? Parce qu'il y a des mécanismes de compensation du raccourcissement, entre autres, c'est le rachis qui compense un peu le... Est-ce que vous avez compris l'ostéotomie? Oui. Très bien. La greffe pédiculée du judé. Vous voyez, ça c'est la face postérieure. S'il vous plaît. Elle-même, on l'utilisait aussi dans le temps, c'était à la mode, dans les années 70. Et c'est une intervention qui est très lourde. On l'utilisait pour les fractures fraîches, puis on a réservé pour les pseudarthroses. Vous voyez, s'il vous plaît, un peu de silence. On prend... Vous voyez, du spongieux, pour la face postérieure du trochanter, avec la corticale, et on la tourne en creusant bien sûr un tunnel à l'intérieur, le tunnel là, vous voyez, à l'intérieur du col, la face postérieure du col, et on tourne tout ça. Mais là, cet os qu'on a tourné, il reste pédiculé aux muscles fessiers. Et les muscles fessiers, c'est ceux qui assurent l'apport sanguin. l'os. Vous comprenez? On apporte un os vivant, on apporte un os vivant à une seule arthrose et on fixe bien sûr avec des vis. Oui. Et ça entraîne une consolidation des pseudarthroses historiques. C'est-à-dire qu'il y a des pseudarthroses lâches où il y a une persubstance importante. Si j'ai les adultes qui sont très jeunes, ouais, on ne peut pas décider à 25 ans de faire une prothèse totale de hanche. Sachant que la prothèse, elle a une durée de vie très limitée. Ce n'est pas à vie. Les meilleures prothèses, elles peuvent tenir 18-20 ans maintenant. Les meilleures prothèses. Vous comprenez? D'accord. Bon, l'arthroplastie, maintenant, je vous parle pour les vieux. Rapidement, on succède. L'arthroplastie, on a dit, on enlève la tête et on met une prothèse. Quel type de prothèse? Dans le temps, on a conçu des prothèses dont l'intervention durait 40 minutes. C'était rapide et le lendemain, on mettait debout le malade. Mais après, on s'est révisé un peu. Sachant pourquoi on s'est révisé. Je vais vous dire pourquoi on s'est révisé. En fait, c'est le fait de mettre en contact ce métal. C'est un alliage cobalt chrome métal acide. Alliage spécial qui est très bien toléré par le corps. Et donc, cette surface lisse, elle est tracée par laser, hein, vérifiée par microscope. Donc, elle est super, super lisse. Vous comprenez? Mais il y a l'amour et la tension. Il y a la différence entre les deux. Vous voyez, l'amour, il y a des trous. À la radio, on peut la reconnaître. Là, il y a une mort. La tension, il n'y a pas de trou. Pourquoi on utilise l'une ou l'autre? L'amour, quand il s'agit d'une fracture, par exemple, sous-céphalique, parent cervical, qui reste un manchon cervical. Mais quand il s'agit d'une fracture basée cervicale, où il ne reste pas de corps, on utilise la tension. Parce que son assise, elle est large. Vous comprenez? Et puis, on s'est rendu compte que ça, malgré que c'était très lisse, lisse au laser et tout ça, ce contact avec métal, avec du cartilage, qui est déjà commencé à être malade chez un vieux, on commence tous à faire de l'arthrose à partir de la 45 ans, 50 ans. Tous, là, c'est l'évolution naturelle, c'est la dégradation du corps. Ils ont vu que ce frottement fait en sorte d'accélérer, d'entraîner ce qu'on appelle les coccytes inflammatoires. C'est-à-dire une inflammation du cartilage qui est déjà en arthrose. Et ça faisait très mal et ça empêchait les vieux d'appuyer. Donc, les gens, ils ont commencé à changer, d'autant plus que depuis les années 80 jusqu'à maintenant, ça s'est vulgarisé, les prothèses totales se sont vulgarisées. Dans les années 80, c'était le grand chef, le grand patron qui était habilité à opérer une prothèse totale de hanche. Maintenant, en France, interne, ça veut dire résident en fin de cycle, il opère une prothèse. Aidé par, bien sûr, avec un chirurgien. Ça s'est vulgarisé. Pourquoi les matériaux sont devenus plus simples à utiliser? Vous voyez, les prix ont baissé, ont chuté. Il y a des choses qui ont évolué. Donc ça s'est vulgarisé. Sauf dans le tien, moi. Pour ne pas être chez nous. Hein. Donc les gens, ils se sont dit, j'opère un vieux qui a une arthrose de la hanche qui commence. Ouais, je dois lui mettre une prothèse que je vais reprendre après 5 ans ou 6 ans avec une coccyte très inflammatoire et tout douloureuse pour lui faire une deuxième anesthésie pour lui faire une prothèse totale. Je préfère lui faire une prothèse d'emblée, à la garde. Et ils le font à la garde. Quand ils le font à la garde, maintenant, des prothèses totales de hanche. C'est ça la prothèse totale de hanche. Ça, c'est la première, hein, la prothèse de Kerboul. C'est un Français qui l'a fait. Vous avez le polyéthylène, pour ne pas dire entre guillemets, c'est du plastique. C'est du plastique polyéthylène qui est doté d'un anneau métallique. Et vous avez la pièce fémorale qui est en acier. Plusieurs de vous. Pourquoi l'anneau? C'est quand on fait la radio de contrôle, là on sait qu'on a mis bien la pièce ou non. C'est un repère radiologique. Vous comprenez? Oui. Ça c'est la première initiale, la prothèse de Kerboul. Maintenant il y a des prothèses en corail, en titane. Et pire, là ce que vous voyez c'est une prothèse cimentée. Comment on stabilise en fait, on colle la prothèse à l'os? C'est du ciment chirurgical ce que vous voyez en blanc. Là ce que vous voyez en blanc c'est du ciment chirurgical. Et ce ciment, quand la personne elle est maigre, qu'elle ne passe pas lourd, d'accord, elle peut tenir jusqu'à 18 ans, 20 ans. Et puis, il y a ce qu'on appelle un décèlement qui se fait. Il disparaît le ciment. Maintenant, les gens, ils ont découvert une substance biochimique, organique dans le corps qui s'appelle l'hydroxyapatite, qui existe chez nous tous. C'est un inducteur d'ossification. Et ils ont compris, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les prothèses, ils les invisent d'une couche d'hydroxyapatite, ils mettent 2-3 vis pour le stabiliser temporairement, le taux que la prothèse soit envahie par l'os du malade. L'os du malade va englober la prothèse et la stabiliser au lieu d'utiliser le... Vous voyez, c'est des choses qui évoluent. S'il vous plaît, on termine. Bon, est-ce que vous avez compris l'utilité et l'évolution des choses? Oui. Ça, c'est le code, hein? Oui. Non, je vous explique, pour les fractures trochanteriennes, ça a un peu changé, parce qu'il y a eu un événement important. S'il vous plaît, j'ai chaud, je suis fatigué, un peu de silence, on termine le cours. Celui qui n'est pas intéressé, il peut sortir. Il n'y a pas de souci. Bon, pour les fractures trochanteriennes, on se comprend. On a dit, c'est une fracture qui consolide, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais on se fixe un but. Il faut qu'il y ait un but. C'est stabiliser chirurgiquement la fracture de façon solide pour permettre le lever précoce, surtout que le malade va à ses occupations socio-professionnelles. D'accord ? Pour ne pas le laisser trop au lit. Il y a beaucoup de méthodes qui ont été créées à travers le temps. Entre autres, il y a des méthodes qui sont communes entre le trochanter, les fractures trochantériennes, et les fractures du col, on va les voir tout à l'heure. Il y a des techniques très simples qui ont été décrites par de grands messieurs qui ont beaucoup étudié aussi les fractures trochantériennes, qui s'appellent ENDER. Et vous avez un aperçu, soit on peut ouvrir le foyer de fracture et stabiliser avec des lampes plaques, couleurs plaques, machin chose, soit, dans le temps, c'est les années 60 ça, l'histoire, hein, dans le temps, il y a ENDER qui a été intelligent, il a dit, je vais utiliser des clous, toujours cobalt, acide cobalt métal et toujours lissé avec de façon chirurgicale des clous de 6 mm de diamètre qui sont pré-tordus, c'est-à-dire courbés, différentes longueurs. Et on mesure à chaque fois la longueur pour le malade. Il suffit de rentrer d'ici. Petite incision, on trépanne gauche, on fait une ouverture dans le condyle interne et on envoie le clou à l'intérieur du canal médulaire jusqu'à ce qu'il arrive la tête. 2-3 clous permettent, et on ne draine pas, parce qu'il y a 2 points de suture, c'est suffisant pour faire mieux. Et enfin, le malade, le lendemain, il appuie, il marche. Ça, c'était le percutané des années 60. C'est la technique d'Ender, vous voyez le schéma ici. Ça, c'est les techniques à foyer fermé. Il y a aussi les techniques à foyer ouvert, parmi lesquelles c'est les lampes plates et les clous plates. De toute façon, on va passer, je vais vous montrer. Et le dernier né dans tout ça, c'est le clou gamma. Au fait, le clou gamma, maintenant, il nous a évité un grand problème, c'est d'utiliser le foyer fermé, le foyer ouvert, pour les... Imaginez un vieux, vous opérez, vous ouvrez, dans le temps de cicatriser, le risque infectieux, quand on ouvre, eh bien, le clou gamma, on le met par une petite incision sur le sommet du grand trochanter et on le met en place avec un ancillaire. Bien sûr, je vais vous montrer l'ancillaire. C'est quoi? On l'appelle gamma parce qu'il a la forme d'un gamma. C'est un clou qui est doté d'un trou par lequel passe une vis s'il fallait. Mais cette vis, elle est fixée à l'intérieur, parce qu'il y a une autre vis qu'on sert ici, qui fixe la vis s'il fallait. C'est très solide. Ça permet le lendemain de lever précoce du malade, et il est verrouillé en bas. Ce qu'on appelle le verrouillage. C'est une vis qui passe à travers l'os, le clou, et l'autre corticale. Sans ouvrir sans ouvrir une petite moucheture comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un viseur spécial, qui accompagne chaque modèle de truc. Ça, c'est le clou gamma, c'est le dernier en matière de trucs. Bien sûr, la différence reste dans la qualité du produit maintenant. Votre clou gamma en titane, il est plus cher qu'un clou gamma en acier cobalt. Vous comprenez? Oui. Parce que, paraît-il, il est plus léger, mieux toléré, il ne réagit pas beaucoup avec le froid et des trucs de confort. Et là, vous avez table orthopédique. Vous voyez le scope, l'amplificateur, position du malade qui est bloqué là. Et vous avez là, vous voyez le viseur qui accompagne, de telle sorte qu'on a besoin d'une petite incision, vous voyez sur le sommet. Uniquement ça, et vous avez ce viseur qui vous permet de mettre la vis céphalique et qui vous permet à la fin de faire le verrouillage. Sans ouvrir grand la plaie, une petite moucheture, une petite incision, et on introduit les ancillaires, ce qu'on appelle l'ancillaire. Il a facilité les choses. C'est la dernière année en matière de traitement au clou gamma. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est du spaphane. Sauf pour le tiers, moi. Vous avez les lampes là. C'est vrai, ça, c'était commun pour les cônes et pour les trochanteriennes. Vous avez les clous blancs. Les clous blancs, soit en monobloc, ça peut être une seule pièce, soit en bibloc. Chaque fois, il y avait un matériel à la mode. Et vous avez le DKP, l'ancêtre, le grand-père du DHS. À l'intérieur, il y avait un système de ressort à l'intérieur ici. Là, vous avez la technique d'Ender. La radio, la technique d'Ender. C'est une super technique. Moi, j'en ai fait parce que quand je suis venu au service, j'ai trouvé une boîte dans laquelle il y avait des trucs, des clous d'Ender que personne n'utilisait. Les gens ouvraient pour mettre. Il y avait une soixantaine de clous. J'ai pu les faire pour les malades et c'était incroyable. J'ai jamais fait, j'ai jamais vu. Donc, c'était facile à faire. Le lendemain, le malade, il l'appuie. Je vous assure qu'il marchait sans douleur. Et il marche sans douleur, le lendemain de l'intervention. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, dernier mot. Ce sont des fractures graves. Pourquoi graves? On en a vu pourquoi elles sont graves. Parce qu'elles surviennent dans un contexte, s'il vous plaît, un peu de silence, de polytraumatisme chez l'adulte jeune. Et plus, elles sont graves parce qu'elles clouent le vieux au lit. Et quand elles le clouent avec cet arbre, il y a des compensations d'état et des complications de décubitus. Elles sont fréquentes. Pourquoi on a dit qu'elles sont fréquentes? Les accidents de voiture, la puissance des voitures, les sports, l'avènement du sport. Et c'est touché des vieux, c'est de l'ostéoporose. Les vieux ne marchent plus. Taxi, les voitures, machin, transport, ils ne marchent plus. Donc, un organe, je vous ai dit, un organe qui n'est pas utilisé, il s'atrophie. L'os, le squelette, c'est un organe vivant. Quand il n'est pas utilisé, il s'atrophie, il perd son calcium, il devient fragile. Tout simplement. La prise en charge, bien sûr, on a vu que la prise en charge de ces malades est passée par plusieurs étapes et ces étapes sont en relation avec une meilleure connaissance de la biomécanique du squelette. C'est ça qui a fait évoluer le matériau d'ossiosynthèse et ainsi de suite. Ça a été amélioré, cette prise en charge, chez l'adulte le jeune, le fait qu'il y ait des nouveaux matériaux d'ossiosynthèse, tels que le clou gamma et le DHS. Et chez le vieux, c'est surtout les progrès de réanimation et surtout la vulgarisation et l'évolution des prothèses totales de hanche. Ça vient vulgariser, tout le monde peut mettre des prothèses totales de hanche. C'est ça qui a fait en sorte d'améliorer le pronostic des fractures du côté malade. Et je vous remercie si vous avez des questions. Je vous remercie. Je suis là.